Beatmaker and Co. C'est Paprika à la prod. Écoute ça. Triste couplet. Je dédie ces vers à ces salauds qui assassinent impunément. L'élite distille la foi des hommes. Renferme la liberté dans un caveau qui viole femmes et enfants. Qui vendent pavots aux grossistes de ta région. Fournissent fusils pour y envoyer leurs milices. Milices qui bafouent tes droits, t'es pas fou, toi t'as droit. Rien du tout, hormis fermer ta gueule et devenir gras. Financiers qui jettent les restes au président en attendant. Ils créent le problème, le peuple demande de l'aide. Ils ont la solution, merde, elle n'est qu'hallucinogène. Nous pousse à nous shooter. Récepteurs dans chaque quartier, propage les ondes système H2ARP, vire l'espèce de la caisse pour ensuite par la mode nous pousser à se faire pucer. L'atmosphère devient démoniaque, faut pas t'en faire. Regarde F1 et tire une natte faite. Ton festin chez Leclerc, il t'empoisonne, c'est très clair. Personne n'en parle, pas mal sans doute, mais sans doute au fond s'en fout. Le principe de facilité est un système rentable. Ils organisent une vie sous terre, imagine-toi ce qu'ils vont faire à la surface. Mais t'as sûrement raison, j'suis parano, la théorie du complot n'empêche que tout autour ça sent la merde. Ils ont leur rite, leur loge. Se représentent l'humain comme un profit pendant que tourne l'horloge. Toi tu consommes, de l'intérieur te consume. D'autres avant toi ont fait la bourde, mais comme une fois n'est pas coutume. Alors tu te laisses aller, crois plus en rien et t'as coutume. Je l'ai dit ces phases à tous ces nazes qu'ont préféré le droit de vote à la liberté. Tous ces moutons qui, je dois l'avouer, je crois, ne valent plus le coup d'être sauvés. D'où n'a dans les yeux, crache surtout et se permettre de parler des cieux. Attention mesdames et messieurs, veuillez faire un triomphe pour l'entrée en scène des chrétiens de la jeunesse hitlérienne. Y'a plus rien qui tient, faites vos jeux. Tout pètera au petit matin. Je maintiens mes mots, reste dans ma voix. Le reste, pour être honnête, je m'en bats la voix. Un couplet sans fin, dédié à toutes ces vies sans frein. Sprayant un chemin vers le néant, ébloui au néon, ça va, ça vient. Pour prendre un triste élan électoral, socioculturel et administrable. J'aurai jamais le temps et les mots pour exprimer mon dégoût. Avec ça, démerdez-vous entre les lignes. Les expérimentés écouteront, les autres divagueront sans scrupule. Car bien trop crédules. Beatmaker and Co. Paprika à la prod.